Lorsque nous sommes à l'écoute, nous découvrons des joyaux exceptionnels. Aujourd'hui, le lundi 30 mars 2020, monte le volume. Ah oui. Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Je suis un blanc. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Alors, je poursuis mon introduction qui est quand même, vous allez être très émotif, je vous le dis. Enfin, je l'espère. Je travaille avec le public depuis belle lurette. Hey, ça, belle lurette, ça, c'est juste avant la naissance de JC. Pour les gens, ça demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui dit ici? Ben c'est Jésus, le petit Jésus, le petit là, pas le grand, le tout petit, celui qu'on dit bonjour petit Jésus, comment ça va mon petit Jésus? On parle à petit Jésus. Puis moi j'ai réglé ça, moi là. Moi, il y a du monde qui ne répond pas, là, des problèmes avec ça, tu sais. C'est quoi le minimum quand on dit salut? C'est de réentendre bonjour, bonsoir, allô, comment ça va? Quand on dit rien, il faut que tu te poses des questions et les bonnes. Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Y a-t-il un fil? Y a-t-il? Oui, il y a-t-il des chansons qui n'ont pas ça? Et il y a des... Je travaille depuis la belle lurette avec la clientèle. On voit de tout. Du bon, du moins bon, de l'exceptionnel, de l'ordinaire. Mais il y a des fois où j'ai plus le goût de rien faire. Oh. Je boirais du pot. Je fumerais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais là, faut que je pense à ma carrière. Je suis un animateur impopulaire. J'aime mon brejean, j'aime mon public. Si tu veux, c'est ça. Et puis moi, quand je suis à l'écoute, je suis toujours à l'écoute. Soit de ses KRL ou soit de ma clientèle. Et c'est deux ailes qui me font voler à des allures, oui, exactement, Mme Thibodeau, vous avez raison. À des latitudes que je n'aurais jamais pu imaginer autrement. Là, c'est bientôt le Radioton de CKRL. Vous allez être généreux parce que vous l'aimez, cette radio-là. Je l'aime. Je m'implique. Nous allons nous impliquer. J'ouvre le pré-Radioton avec la locomotive que vous allez sans doute... entendre, écoutez, j'espère, dès minuit quelques, je suis pas tout à fait prêt, ouais, c'est ça, les heures sont, ouais, elles sont tombées, les heures, ça a tout cassé en mille miettes, là, je suis en train de tout coller ça, non, c'est pas fait, parce qu'on m'a donné, on me l'a donné sur un plateau d'argent, comme d'habitude, hein, sur un diamant, à peine traité, ben, parce que quand c'est pas traité, c'est plus pur. Ça vaut plus cher. Alors moi, que j'ai été excité comme un petit chiot qui vient de naître, là, comme si c'était la première fois que je faisais le radioton. Fait qu'on dit, garde, voilà ton créneau horaire. Là, je prends le créneau horaire, crapatao, tombe par terre. Oi, oi, oi, oi, oi, que se passe-t-il? Là, j'avais pas de colle pour rassembler tout ça. Fait que d'après moi, c'est vers minuit. Ou vous allez en entendre parler, faites-vous-en pas. Appelez à CKRL 640-25 sur les 15, 418. Pardon, ouais, j'ai dit ça dans le désordre, oui. C'est comme au bingo, hein? Mais 418-640. Je suis en train de donner mon numéro personnel, moi. Non, c'est ce que c'est pas. Non, ouais, merci, madame Thibault. Elle me fait des signes. Ben non, Harry. OK, ça, c'est un téléphone. Elle connaît ça. Elle a déjà travaillé chez Bell Canada. Eh bien oui, en 71. Elle a déjà rencontré ma mère parce que ma maman aussi a travaillé à Bell Canada. C'est elle qui faisait « Mink, mink, mink, mink ». Elle a fait ça pendant 5 ans. Après ça, elle a eu des enfants. Elle a préféré faire des enfants, dire « Non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non. » Non, c'était quand même un lien entre et non, non, non, non. Et puis, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, j'ai échappé les heures, mais c'est à peu près minuit jusqu'à 5h30, 6h, 6h15. 6h15, excusez-moi, 6h15. Ouais, oui. Ouais, je suis tombé du brancard à 6h15. Vous, Mme Tremblay, vous vous élevez constamment? C'est votre mari qui vous, hein? Qui vous inspire. Ah, oh, il y a toujours un grand homme, cette belle petite femme comme moi. C'est l'inverse. Votre amoureux ne serait pas ce qu'il est si vous. Ah, ben, oui. Est-ce qu'il. L'aviez-vous tenu? Vous le tenez encore? Vissé au plancher. Avec quelle grosseur de. Du trois quarts. Bon. Est-ce que c'est des. Vous savez, du J-Brock? Pas que ça, est-ce qu'il y a un terme en français pour J-Brock? Ouais, vous savez, les vis là, qui se défont pas. Tu peux mettre 3 sumo là-dessus, ça tombera pas. Mais non, c'est du J-Brock. Hein, c'est vissé dans le mur. Le mur va tomber, mais J-Brock va rester. Il faut avoir un terme en français, J-Brock. Quelle horreur. Quelle horreur. Enfin, bref. Je travaille avec la clientèle et il y a un petit garçon qui est avec sa maman et son papa. Son papa fait du métal. Joue de la guitare. Il interprète du speed note, du smith note, la pinote. Hein? Il interprète de la pinote, mais oh mon, des arachides avec écailles, pas d'écailles. Sleep note, hein? Le groupe Sleep note, là, ce groupe métalleux, Sleep note, c'est sur le ciel au ciel. Moi, c'est Marilyn Manson, mais lui, c'est Slim Knot. Et puis, donc, il est avec sa blonde qui est du sublime. Très belle dame, vraiment. Là. Ave Maria. Tu deviens pieux en la regardant. Et puis elle a le goût de donner un coup de pied dans le pieu. Et puis donc, elle était avec son petit garçon de 4 ans. Incroyable petit garçon. Et je vous jure que c'est vrai là, ce qui va suivre. Là. Il dit à sa maman, il dit, « Maman, je sens plus battre mon cœur. » Là, son père répond. Ben oui, c'est, il pose une question à sa mère. Son père répond, il dit, « Oui, mais on ne le sent pas tout le temps, notre cœur. » « Oui, mais papa, si je ne sens pas mon cœur, est-ce que ça veut dire que je suis mort? » Hey, 4 ans et demi. J'étais à la caisse, je me suis arrêté. J'ai dit, c'est beau, c'est beau. C'est un moment vraiment privilégié et ça, c'est pas une blague. J'étais très, très, très touché parce que le petit bambin avait dit. Donc, il faut écouter nos enfants, comme disait Harmonium. Il faut les écouter. Ils ont des choses à dire. Et je vous dis, une chose, ouais. On le dit souvent, hein? Oui, oui, on va le redire. Non, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus à l'essentiel que nous, les adultes, parce qu'on a malheureusement mis des carcasses, mis des tranches de peau, mis on a... Exactement, Mme Thibodeau, vous avez entièrement raison. On a chassé l'enfant qui nous révèle, qui nous fait vivre encore aujourd'hui. Pourquoi ne pas se... Oui, exact, madame. Vous m'envolez les veaux de la moule. Là, la moule, là, moi, je me dis avec ou sans citron. Si tu veux savoir si ta moule est fraîche, prends pas de citron. Si tu veux cacher le goût, mets-en. Ça, c'est comme le pâté chinois. Mais connaissez-vous ça, le pâté chinois, Madame Marido? Du pâté chinois, moi, on va s'expliquer. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'explique la même affaire, mais pour elle, pour mon invité. C'est que nous avions des tunnels à creuser. Donc, on a demandé à des Chinois de le faire parce que c'était les seuls qui voulaient travailler, parce que c'était très risqué. Donc, on les nourrissait avec du pâté chinois. Qu'est-ce que le pâté chinois? Ça n'a rien à voir avec le chinois, sauf pour l'histoire. C'est, chez nous, c'est, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bœuf, on a beaucoup de maïs et on a beaucoup de patates. Donc, on a concocté un mets avec steak, blé d'Inde, patates, qu'on appelle un pâté chinois, qui nourrissait les Chinois, qui, eux, creusaient les tunnels pour faire circuler les trains. Aujourd'hui encore, c'est grâce à eux. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Alors, une petite pensée pour les Chinois, au même titre que les Indiens, que l'on a reculés, refoulés, pour planter des poteaux, pour faire des chemins, pour s'urbaniser, malheureusement, au détriment de nos amis les Indiens qui étaient là bien avant nous. Donc, une petite pensée aussi pour les Indiens. Et sinon, le petit garçon, maman, je ne sens plus mon cœur battre. Hey, j'étais ému. J'étais ému. J'ai pris un 5 secondes là, pour avaler ma salive et me dire « Ah, nous venons de cette enfance-là. » Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai. Una calma più tigrata, segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da, da, da. Certi applausi ormai, son dovuti per amore non incontrarlo mai. Stava lì nel suo sorriso, a guardar passare i tram, vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-dam. Hey, le reconnaissez-vous? C'est un Italien! Hey, quand tu t'appelles Paolo Conte, tu peux pas être un Japonais. Non, non, mais c'est compliqué, là. Puis je sais pas, la version, la traduction de Paolo Conte en chinois. Parce que là, on parlait de pâté chinois en chinois. Ça doit être Intingping. Paolo Conte, Intingping. C'est très chinois, Intingping. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Paolo Conte en chinois. Là, vous voulez quoi? Vous voulez me coffrer, monsieur? Mais? Oui. Le coffre? Non, c'est pas un loin d'être. Non, je ne suis pas un trésor. Quoique, vous savez, au début de l'amour, lorsqu'on rencontre notre partenaire, hey, on est... Je sais pas avec les... Non, je crois que c'est universel. Il n'y a plus d'âge. On peut être en amour à 70 ans puis devenir gaga. Au même titre qu'on peut avoir 16 ans puis être aussi gaga. L'amour diminue notre cortex cérébral pour laisser la place à toute la... En fait, c'est des sécrétions, hein, tout ça, là. On va vous mettre ça, là, noir sur blanc, blanc sur noir, là. Deux, deux, croche deux, deux, croche deux, deux, croche noir. Triolet, triolet, triolet, triolet noir. Blanche. On va vous la faire de même. Parce que c'est malheureusement... Tu sais, Languirand en avait parlé, j'ai dit, ah, c'est décevant d'apprendre ça comme ça. C'est chimique. L'amour, c'est chimique. Mais voyons donc, oui, j'avais une de mes filles et qui malheureusement avait plongé, mais c'est terminé aujourd'hui, elle est heureuse, elle est mariée, oui, elle a eu 5 maris, 12 enfants, elle a arrêté la drogue pour faire des enfants, mais ça c'est sa nouvelle drogue, mais, puis elle, tout ce qui était chimique là, c'était pas ce que vous pensez là. C'était toutes les drogues bizarres, étranges là, venues de Tombouctou, de Malaisie, de Swinsery. Bon, où est-ce que ça se trouve? C'est à côté de, oui, à côté des royaumes des Unis ou des États des Unis. Tout ce qui est des Unis, là, ça touche le roi. Bon, si vous voulez aller en vacances, je ne vous conseille pas d'aller là. Non, parce qu'ils essayent de créer. Puis là, ça reste entre eux. Là. On n'a pas à se mêler de ça, nous. Là. On ne connaît pas leur histoire. Ils veulent recréer cette même densité qu'ils avaient à l'époque lorsqu'ils s'aimaient à l'universalité. Ouais, à l'universel, qu'ils s'aimaient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, que ça m'aimait tant. Tout le monde, ils s'en aimaient tant. Tout le temps, ils s'en aimaient tout le temps. Tout le temps. L'amour, pas d'amour, non, de l'amour, de l'amour. On en veut de l'amour parce que CKRL crée l'amour. CKRL essaie, tente. Déjà, là, tenter, c'est beaucoup. Quand dans ta vie, tu te dis, ah ouais, maman, avoir su. Avoir su. Non, non, non, non, non, non. Il n'y a pas des phrases comme ça, là. Tu sais que tu es en vie actuellement, que tu peux tout modifier. Ça dépend de toi. Mais c'est pas facile. Je sais que ça... Regarde-moi, là. Bon. Exact. Je veux faire mon macaroni. Ben, en tout cas, j'ai l'intention. Je vais dire intention parce que ça me surprendrait que je le fasse. Ah non, parce que ma recette, je l'adore, mais je me dis que si je pourrais rajouter un fromage bleu qui donnerait un goût exponentiel à ce qu'il goûte actuellement, je m'aurais privé de toute cette inventivité pour me refuser à placer du fromage bleu sur mes pâtes alimentaires. Avez-vous compris quelque chose, là? Il y a un blocage, là, hein? Ben, par rapport à moi et au fromage bleu. Oh, connaissez-vous le fromage bleu? Ouais. Même Roger a été interpellé par mon fromage bleu. Ben oui. Ben oui, la chanson, le fromage bleu, là. Oh, mamie. Oh, mamie, mamie bleue. Fromage bleu. Oh, fromage, fromage. Oh, mamie. Tout le monde ensemble. Oh, mamie, mamie bleue. Oh, mamie bleue. J'ai placé sur mes pattes du fromage bleu. Oh, mamie. Mais le fromage bleu n'était pas si bleu. Oh, mamie, j'ai regardé le ciel et mon fromage. Oh, quel dommage. Oh, mamie. Oh, mamie, mamie, mamie bleu. Oh, mamie, mamie bleu. Oh, mamie, mamie. Oh, mamie, mamie bleu. Misère. Parce que si tu sais pas comment doser le bleu, fais attention. C'est pas comme le ciel, c'est épouvantable. Heureusement, je suis pas sur scène. Je postillonne, ça dégouline de partout. Je suis comme un petit japeux devant une friandise. C'est, avant que tu lui donnes, là, il salive. Il y a comme le fil de la salive là, qui se dirige, bien sûr, dans sa tête, là, vers le biscuit. Parce que, admettons, je donne des biscuits. Un petit biscuit. Mais là, avez-vous déjà vu des biscuits pour chiens? C'est des couleurs étranges. Orange, jaune, vert, gris. Rose. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Là, le cuisinier dit, « Ah, il n'y a pas de problème, hein? C'est juste du colorant. » Ben oui, mais pourquoi vous ne mettez pas ça? La couleur véridique du produit, une fois que tu fais ton mélange, si c'est jaune, c'est jaune. Ah, mais là, c'est... Ah, là, c'est pas ça qu'il faut faire, hein? Parce que lorsque vous achetez une poche de biscuits, il faut que la couleur diffère, sinon vous allez dire c'est semblable, le goût est pareil. Ouais, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon chien. Ouais, monsieur, êtes-vous toutes là? Je suis devant votre questionnement et je réponds non, parce que le chien, votre ami fidèle, mon ami fidèle, c'est pas un chien. Le mien s'appelle Benjo, c'est pas un chien. Un chien, c'est un animal que je connais pas. Le mien, j'ai retiré le terme que vous venez de dire parce qu'il est devenu très, très, très, très proche de moi. Ah oui, mais là, ça reste un chien. Hey! Si tu veux, je continue à acheter tes biscuits, là. Ah, d'accord. Alors, je comprends la psychologie du maître vis-à-vis son animal, mais êtes-vous plus précaire que votre animal? Quoi que j'en suis un. Vous êtes un précaire? Oui, un précaire animal. Et puis, non, moi, je crois que lui, il est plus évolué que moi. À plusieurs niveaux. J'entends pas la sonnette, moi, quand ça fait ding-dong. Mais même avant qu'il paye sur le bouton, il y a quelque chose qui se passe. Là, quelques secondes après, j'entends ding-dong. Hein? Là, on m'a dit, ben, c'est la senteur. Il peut le humer avant vous, monsieur. Fait que là, moi, quand je vois quelqu'un passer puis rentrer, hein, de rentrer dans ma cour, là, j'essaie de sentir, là. Mais voyons. Un charrier, mais lui, il a déjà senti. Ah, ouais. Mais voyons donc, ça sent quoi? On va ouvrir la porte. C'est la facteur. Elle dit, j'ai un colis pour M. Gagné, Rénal Gagné. Ah, c'est ma carte de membre de ZKRL. J'ai commencé un colis, j'ai peut-être gagné quelque chose à ZKRL. Hey, là, je suis content, je suis excité. Je prends mon colis. Je me sens, je me plains. Mon petit banjo, il fait, ce qu'il veut, lui, c'est son biscuit. Mais là, l'interrogation que je me pose, parce que normalement, moi, les interrogations, je me les pose. Là. Je les mets pas de côté, puis j'attends pas 5-6 ans, puis pour y revenir, ça crée des cancers. Ah oui. Et moi, là, ça me surprend de ne pas avoir eu le cancer du côlon encore. J'en ai déjà tellement côtoyé dans ma vie, des côlons. Et puis, il y a M. Bonaparte. Avez-vous écouté l'émission dimanche au début du mois de... Ben, la première émission du mois de mars. Il a fait une émission... Et je m'en souviendrai toute ma vie, je l'ai enregistré, c'est tellement drôle. Et c'est le Tropique du Capricorne, M. Bonaparte, le dimanche, à ZKRL. Il a parlé des cons. C'est pas la première fois qu'il en parle des cons, puis il le dit lui aussi, là. Il dit, c'est pas la première fois. Si vous m'écoutez régulièrement, il a pas dit ça comme ça, c'est moi qui... Ben, vous le savez. Puis c'est tellement intéressant, ces sujets. Quel homme brillant. Mais en tout cas, c'est pas M. Bonaparte, là, dont il s'agit, c'est de mon Tipitou. Qui fait. Mais écoutez, M. Bonaparte, le dimanche. Là. Puis même, je vous dis, le matin, très tôt, ça commence par de la musique classique. On dirait que ça me remet sur le diapason. On dit, oh, c'est dimanche, là, tu sais. Comme je ne vais plus à l'église, on ne m'accepte point. Parce qu'on me dit que je ne suis plus servant de messe, car j'ai dérogé. Je leur dis, je peux même pas réagir. Roger, je suis Rénal. Non, déroger. Vous avez changé. Vous avez modifié votre parcours. Effectivement, vous êtes plus chrétien. Effectivement, mais ça veut pas dire que je veux pas faire encore le servant de messe. Vous manquez de personnel. C'est du bénévolat. Ça fait plaisir, moi, d'amener la burette, le calice et tout le reste. Je connais toutes les noms des... Ouais, j'allais dire toutes les marques. Toutes les marques des burettes. Bullet FM, en 1972, ça a commencé en Allemagne. Ils ont fait ça en Allemagne, c'était en aluminium. Mais là, ça coulait tout seul, ça coulait, t'as regardé, ça coulait. Ils ont dit, alors, on va enlever ça. Sinon, ça coulait tout sur le servant de messe, puis le servant de messe en faisait plusieurs, là, parce qu'il n'y en avait pas à cette époque-là. Il n'y en avait pas beaucoup. Encore aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Ça fait que là, ça tachait nos habits, puis ah, mon, du vin rouge sur ça, là. J'ose même plus y réfléchir. Ça me donne des. Ouais, ça, exactement. Ça me crée des migraines. Puis ça me surprend pas. Des migraines. T'en comprends pas? Moi, si. migraines. Mi figue, mi raisin. Attends un peu. Hey, attends. Je l'aime. En plus, je veux pas le couper le wah. Parce que c'est merveilleux. Non, mais c'est migraine. Et pas pire, hein? On s'arrête pour le wah wah. OK? On y va. Wah. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy. Come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, danger. La comédie danger. A danger, ta vie. La comédie. La comédie, la comédie, la comédie. Wah wah wah wah wah. Wah wah wah wah wah wah wah. Wah wah wah wah wah wah. Ma cos'è la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di, come di. Anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli, comédie, comédie Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Ah, comedy, comedy, comedy. Taratazzi, la la la la la la la la la la la la la. La comédie d'un jour, ah, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie. La comédie. J'adore, j'adore. Juste le début, parce que moi, là, j'aimerais ça l'entendre in vitam paparman dans ma vie. Allez-y, monsieur. Allez-y. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa. Hein, c'est pas merveilleux ça? Quand vous allez battre vos œufs demain, hein? Wa wa wa wa wa wa wa wa. Mais pas demain, aujourd'hui là. Wa wa wa. En plus c'est lundi, c'est épouvantable. Moi je ferais des œufs brouillés. J'haïs, vous savez, les lundis. J'haïs les lundis. J'haïs aussi les dimanches soirs, parce que ça amène le lundi. Enlevons du calendrier tous les lundis du monde entier! Nous méritons mieux que ça! Nous méritons des vendredis, des samedis perpétuels, surtout des samedis. Des samedis perpétuels! Là, vous allez me dire, ah ouais, mais moi, je suis infirmière auxiliaire. Je suis préposée aux bénéficiaires. Préposé aux bénéficiaires. Ben oui. Savez-vous qu'ailleurs, là, on a trouvé un titre plus élogieux. Je le sais, je radote, mais il faut le dire. Il faut changer des termes ici au Québec, là. Parce que préposé aux bénéficiaires, ça veut absolument rien dire. Quand tu dis aide-soignante, ça veut tout dire. quand c'est pas pur, là, c'est impur. Bravo, hein? Vous avez lu Jean-Paul Sartre, vous? Pur, impur? Ah non, c'est votre femme, votre ancienne femme. Bon, écoute, si ça vous remet dans le diapason, tant mieux. Mais, on va dire de l'eau trouble. De l'eau trouble. Hein? Ça veut tout dire. C'est pas pur, c'est trouble. Et puis, qu'est-ce qu'il disait à propos du trouble? T'as vu-tu du trouble, mon Jean-Marc? On va t'envoyer 3-4 amis là, qui ont du plaisir juste à te regarder le visage rougir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. On veut rien dire. On veut juste voir le visage rougir. Rougir à force de... À force de voir des gens arriver devant toi. Ah, OK. Pensez à force de me frapper. Ben non, on n'est pas violent. Ben non, on ne frappe que sur trois choses. Oh, allez-y. On ne frappe que sur les mots. OK. Que sur la liaison entre les mots. Hein, ça veut dire... ça veut tout dire, là. Tu sais, le mot ou la connotation du mot. Et on frappe également sur quelque chose de très fort. La signification du mot. Par exemple, on va donner un exemple. Solitude. C'est pas violent, solitude. Non. Mais même, il y a Barbara qui a chanté des belles chansons sur la solitude. Ouais, et voilà. Donc, on va dire Barbara, OK? Barbara est une chanteuse. C'est pas juste chanteuse, c'est une poétesse, hein? Compositrice, interprète, dame, même une comédienne. Jacques Brel l'a fait jouer dans des films, même d'autres personnes. D'autres personnes, oh oui. Et puis, donc, qu'est-ce que vous voulez dire à propos de Barbara? Ben, c'est ça, c'est une dame. Alors, ben là, vous vous trompez pas, là. Si c'est un monsieur, il a changé de sexe rapidement. Parce que moi, dans toute sa carrière, je l'ai vu comme une dame. Tu sais, on disait la grande dame en brune. La grande dame en brune, je veux chercher quelques voluptés instantanées. Savez-vous, c'est Georges Moustaki qui a écrit ça. Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets. Si jamais elle entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour pour elle et moi. Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi. Ta guitare de fortune guide mes pas. Pierrot m'avait prêté sa plume ce matin-là à ma guitare de fortune. J'ai pris le la, je me suis pris pour un poète en écrivant les mots qui passaient par ma tête comme le vent. Pierrot t'avait prêté sa plume cette nuit-là à ta guitare de fortune. Tu pris le la et je t'ai pris pour un poète en écoutant les mots qui passaient par ta tête comme le vent. J'ai habillé la dame brune dans mes pensées d'un morceau de voile de brume et de rosée. J'ai fait son lit contre ma peau pour qu'elle soit bien, bien à l'abri et bien au chaud entre mes mains. Habillée d'un voile de brume et de rosée, je suis la longue dame brune de ta pensée. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi à travers les monts et les dunes. J'entends ta voix. Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets. Je sais qu'elle l'entendra un jour, qui sait demain, pour que cette chanson d'amour finisse bien. Bonjour, je suis la dame brune, j'ai tant marché. Bonjour, je suis la dame brune, je t'ai trouvée. Fais-moi place auprès de ton lit, je serai bien, bien au fond, bien élaboré, contre tes reins. Aujourd'hui, le lundi 30 mars 2020, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Ah, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Marido Fréval. Et Marido, je l'ai rencontré il y a plusieurs années. Et Aline Stinus a eu la curiosité d'aller voir les enregistrements que j'avais fait avec. Et ils sont devenus des grandes amies. Et ça me touche énormément grâce à moi. Donc, Aline Stinus, qui est une comédienne, aussi une dramaturge. Marido Fréval, qui est une femme multidisciplinaire, qui nous interpellera dans des grands thèmes de la vie, aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc maintenant, place à mon alter ego, française, Madame Marido Fréval. Looks like we're gonna break up. just don't wanna touch nobody. Don't wanna be touched. Don't wanna hurt nobody. Don't wanna be hurt. Don't wanna treat nobody like they was dirty. But if you do right to me, baby, I'll do right back to you. You gotta do unto others like you'd have them, like you'd have them do unto you. Don't wanna shoot nobody. Don't wanna get shot. Don't wanna bite nobody. Don't wanna get bought. Don't wanna bury nobody. Don't wanna be buried. Don't wanna marry nobody. I already been married. But if you do right to me, I'll do right back to you. You gotta do unto others like you'd have them, like you'd have them do unto you. Don't wanna burn nobody. Don't wanna get burned. Don't wanna learn from nobody what I already learned. Don't wanna cheat nobody. Don't wanna be cheap. Don't wanna defeat nobody. You already been defeated. But if you do right to me, babe, I'll do right to you. Do unto others like you'd have them, like you'd have them do unto you. Don't wanna wink at nobody. Don't wanna be winked at. Don't wanna use nobody like there was a doormat. Don't wanna confuse nobody. Don't wanna be confused. Don't wanna amuse nobody. I already been amused. But if you do right to me, baby, I'll do right back to you. You do right to each other like you'd have them. Salut Marie. Ça va? Comment ça va? Ça va. Excellent. Vive l'été. Mais au soleil, ça te dérange pas? Ça va, ça va. Parfait. J'ai le chapeau. Ah ben oui. Tu vois? Ah mais sinon, depuis qu'on s'est vu, il y a quoi, 4-5 ans? C'est ça, oui, je crois bien. C'est que 2015, j'ai aidé. Ah oui, t'as vérifié? Oui, je sais pas, oui, j'ai regardé, ouais. OK. Ben, 2015, 4 ans. Oui, il s'est passé plein de choses. Oui. Mais beaucoup de choses. T'étais en dehors de Paris aussi? Oui, oui, oui, beaucoup, beaucoup, ouais. Puis t'as fait aussi la une d'une revue assez connue, politique. Oui, oui, oui, tout à fait, oui. C'est quoi, c'est la gloire? Qu'est-ce qui se passe? À quand Paris Match? Mais c'est pas intéressant, Paris Match, hein? C'est juste pour les gens superficiels. Mais ben, une revue aussi renommée? Oui, ben oui, c'est des concours de circonstances, je crois, tu vois. Après, il y a eu, oui, ben, je pense que la façon dont j'ai fait surgir toutes mes tentatives et tout, ça a un peu... C'est focus comme ça. Ouais. Et donc, du coup, ouais, il y a eu aussi un entretien. Tu sais, il y a un site qui s'appelle Arsena, qui est la recours. Voilà, bon. Là aussi, ils font des portraits. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois des spots. Oui, on a zoomé sur ton travail et tu dois quand même être contente. Oui, je suis contente. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts là, que tu as. Que t'as placé là, c'est pas, un succès entre guillemets qui vient de nulle part, là. C'est pas Star Academy, c'est une femme qui forge son entité, qui forge son travail, qui veut faire réagir. Non? Voilà, ça. Okay, alors là, je viens de résumer, c'est ça? Mais Est-ce que tu croyais que tout ça allait arriver aussi rapidement ou au contraire, ça a pris beaucoup de temps selon toi? J'avais pas d'imaginer quoi que ce soit. Hein. Tu sais, en fin de compte, je crois que c'était très décisif, cette décision de commencer par tentative de résistance. C'était très voulu, assumé, etc. C'était réfléchi. Mais comme un coup de tête. Ah, ok. Ok. Un coup de tête, il fallait que je le fasse, quoi. Tu vois, je pouvais pas. C'est comme si j'étais passé à côté de l'essentiel pour moi à ce moment-là, de qu'est-ce que ça veut dire faire un spectacle, qu'est-ce que ça veut dire s'engager, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Ça, toi, ça. Les énergies sont mises toutes un peu au même endroit. C'est focus. Oui. Je crois que c'est ça. Là, j'ai joué, tu vois, en Charente, tentative d'utopie vitale, et une fille qui me dit, mais tu sais. Quand j'ai vu tentative de résistance, la chose que je me suis dit, parce qu'on ne se connaissait pas, là on s'est revus, donc elle s'est présentée à moi, elle me dit, moi je voulais être comme toi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar, quoi. Et je pense que, je lui ai dit, c'est peut-être parce que j'ai réuni sur ces propositions-là, mon parcours de comédienne, d'autrice, et de signer un acte un peu comme ça, atypique, tu vois. Les trois étaient dans la même chose. Donc, forcément, il y a peut-être une force qui sort de ça. Et puis, ton travail, depuis qu'on s'est vu il y a 4 ans, c'est plus exporté en région. Oui, voilà, voilà. Oui, ça a été explosif après. Mais c'est toi qui l'as voulu? Bah, tu veux pas. Comment dire par exemple, j'ai joué avant même que ce soit créé en 2016, en 2015, donc au Festival d'Aurillac, et c'est là où ça fait un boom. Mmh. Tout le monde voulait voir ça, tout le monde a dit que c'est exceptionnel. Et or que j'avais encore le texte à la main, tu vois, c'était un peu une sortie. Donc oui, ça, y a, disons que la profession, voilà, les programmateurs, il y a eu un réseau, un bouche à oreille qui s'est fait là-dessus. Et après, donc c'est les conséquences de tout ça. Donc quand j'ai vu que ça résonnait comme ça, bah, je me suis dit super, donc ça a pris une place effectivement tu vois, dans mon parcours. Bon, ça je le voulais forcément, puisque c'est une chose que j'avais faite en chantier, tu vois. Donc j'étais très content. Après, ça a été un peu complexe, parce que ça a pris beaucoup de place, donc beaucoup de dates de tournée, et donc... Alors tu as dû mettre en sourdine ces certains autres projets? Bah, je sais pas faire ça. Ok. Oh. Parce que pour moi, c'est pas du tout, comme tu dis, voulu ou pas voulu. Je suis toujours un peu surprise, tu vois. Donc, je me dis toujours que ça va s'arrêter à un moment donné. Tu vois, ouais, ben oui, ça peut pas être toujours... Ouais, c'est ça. C'est que, toi, on le sait bien, quoi. Mmh. Tu fais la moisson et tu repars de zéro, tu vois, dans ma tête. Ouais. Mais pas du tout. Mais non, voilà. Et donc, parce que je continuais d'écrire dans ma tête, tu vois, des tentatives. Je me suis dit, bon, ben alors je vais continuer des tentatives de résistance. Probablement, ça va être ça... C'est un foyer chez moi qui est un peu brûlant, comme ça, je vais continuer. Et puis en fin de compte, non, ça a été... je suis passé aux tentatives d'utopie vitale. Parce que quand j'ai écrit, je me suis bloqué une semaine d'écriture, en me disant, bon, bah là, il faut quand même... Tu vois, je me réveillais la nuit, j'avais toujours des choses à dire, je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar? Donc, on va... Ça travaille beaucoup? Oui. Dans le grenier, ça travaille énormément? Beaucoup. Hey, c'est pour ça que tu mets un chapeau, pour garder tout ça à l'intérieur, c'est normal. Oui, pas que les ondes s'enfuient. Pas que ça chauffe trop non plus. Hein. Ouais. Et donc je me suis mis en écriture. Mmh. Et là. Mais qu'est-ce qui te fait écrire? Est-ce que c'est l'obligation de... ou une urgence? Je crois que c'est une urgence, ouais. D'être vigilante sur le monde, tu vois, et sur qu'est-ce qui peut s'écrire et qu'est-ce que je dois dire. Mais il y a du matériel en tout cas? Ouais. Il y a du matériel. Ouais. Mais si tu veux le. Donc c'est ça, c'est sans fin, évidemment, l'écriture, c'est un puits. Hein. Il suffit d'essayer de recreuser. À souhaiter qu'il reste de l'eau tout le temps pour puiser quelque chose sans trop de sable. Non. Si, mais je pense que ça se renouvelle un peu comme le lait maternel, si tu veux. Ok, ah oui. Je pense que plus on tire dessus, plus il y a du lait. Et aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, parce qu'on va quand même laisser sur le 4 ans, on va discuter de ton travail à l'extérieur de Paris. Mais tu es resté quand même assez longtemps là-bas pour ton projet. Où ça, tu veux dire? Quand tu es parti pour... tu viens de... Aurillac. Hein? Ouais, Aurillac. Ouais. Aurillac, non, c'était juste le festival. Hein. OK. J'ai joué pendant le festival et à partir de là, ça a fait des rebondissements. OK. Et si tu veux, donc après la possibilité de rencontrer les programmateurs, c'est soit ils te diffusent dans leur festival, soit tout d'un coup ils sont intéressés par la démarche ou parce que je suis derrière même le projet, le spectacle, tu vois. Et dans ces cas-là, tu crées des partenariats pour aller écrire, pour voilà, c'est ça, tu vois, pour écrire, pour je sais pas, pour passer du temps sur un territoire, être dans des échanges autres, tu vois, voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui, je pense, étaient intéressées à la fois par ce que je suis, tu vois, comme un peu figure, et par le spectacle. Ouais. Et donc dans cette lignée-là, après, il y a eu la publication du livre et le fait que j'ai pu déposer une aide aussi pour écrire la création que j'ai faite là en 2019. Ok, c'est tout chaud. Ouais, j'ai sorti en mai. Tu vois, mais c'est, et donc forcément pour être reconnu en écriture, tu vois, il faut avoir publié pour Toi tu avais déjà publié puisque j'ai voilà, j'avais publié, mais pas tant que ça non plus, tu vois. Mais voilà, tu pouvais pas non plus tout faire, non? Voilà, c'est ça, exactement. J'ai toujours dit qu'il fallait que c'est un travail à part entière, presque, tu vois. Est-ce que on peut dire que tu as une équipe aussi derrière toi? Ah oui, là maintenant, oui, j'ai une équipe. Une équipe super. Mais il y a 4 ans, est-ce que tu l'avais, cette équipe-là? Ben, j'avais 2 personnes à ce moment-là avec moi. Tu vois? Et là maintenant, ça s'est étoffé. Alors après, c'est pas des permanents. Non. Tu vois, parce que faut avoir un gros fond de roulement quand même pour embaucher les gens à temps plein. Ça reste quand même difficile. Ouais. Et donc, c'est des intermittents, tu vois, qui travaillent avec moi sur des missions. Chacun a un axe de travail différent. Et s'ils sont disponibles, puisque comme ils ne sont pas greffés à toi constamment, ils peuvent accepter d'autres projets? Oui, ils acceptent d'autres projets, mais on se met d'accord, tu vois, sur... Alors, il y a différents types de contrats. Okay. La fille qui est en charge de prod, production et suivi de production, organisation de tournée, elle est à 2 jours semaine, par exemple, tu vois. Ah, oh, d'accord, ok. Donc, c'est alors, à l'année, quoi. Ah, je comprends, ok. Tu vois, ok. Et si tout d'un coup, il y avait un truc un peu qui fait dépasser le cahier des charges, on s'en reparle. Hein. Ah, oui. Ah, je comprends. Fait que là, tu te réserves ces gens-là durant quelques jours dans la semaine. Et après, elle a travaillé aussi avec une autre compagnie qui est la Folie Kilomètre. Donc, et des fois, c'était un peu juste parce que parfois, les créations se faisaient presque en même temps. Ouais, donc, il fallait organiser. Mais bon, si tu veux, tu organises. On est capable de faire des très très grosses semaines et puis de recaler les choses après. Donc non, et après il y a quelqu'un qui est en diffusion, mais c'est artisanal, moi c'est la diffusion artisanale. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire on part de notre fichier, tout, on n'est pas sur le fait d'irradier, d'avoir des gros diffuseurs. Ok, moi je comprends, des affiches sur les publics. Voilà, tu vois, tout ça. Ouais, plutôt que c'est sur Internet. Voilà, c'est ça. On voit souvent sur Internet. Oui, voilà. Ouais. Donc ça, il y a tout ce réseau-là. Et après, c'est rebondissement. Oui. La bouche à bouche, comme tu disais, oui, comme ta compagnie. Je crois plus au lien, tu vois, à la personne, voir ce qu'on a des choses à faire ensemble, que, par exemple, même le principe d'enchaîner des dates pour enchaîner des dates, si tu veux. C'est bien. Moi, j'aime beaucoup défendre ce que je fais, ce que je dis et tout. Broken strings, broken threads and broken springs, broken idols, broken heads, people sleeping round in broken beds. Ain't no use jiving, ain't no use in joking. Look around you, everything is broken. Broken bottles and then broken plates, broken switches and them broken gates, broken dishes and them broken parts. The streets are filling up with all those broken hearts. Broken words never meant to be spoken. Everything is broken. Every time you stop and look around, something else just hit the ground. Lord. Thank you. those broken bodies and those broken bones. We got broken voices singing broken songs. Take a deep breath. Do you feel like you're choking? That's kind of as all fucked up and everything is broken. Errance rénaldienne sur CKRL NF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. C'est uniquement cette mise en production comme ça. C'est pas ça qui m'éclate le plus, quoi. Je préfère rencontrer des gens, voir ce qu'ils font partout dans toute la région. Pour pouvoir t'inspirer également. Oui, c'est ça, voilà, exactement, qu'on échange. Ouais, c'est ça, pourquoi chacun maintient son combat, c'est quoi le combat de l'autre, c'est quoi tous ces gens, tu vois. Depuis 4 ans, est-ce que tu es fatigué? Oui, un peu. Oui, hein? Un peu, ouais. Mais ça demande beaucoup aussi. Oui, oui, oui, ça demande beaucoup. C'est-à-dire que là, c'était, je crois, du gros 2 temps plein par semaine. Tu vois. C'est beaucoup, hein. Oui. Donc, ça veut dire que t'es, moi, je me fais aussi un peu peur. Mais, bon, j'aime ça, mais jusqu'à... tu fais un peu peur, oui. Jusqu'à un certain point, parce que, si tu veux, là, le mois de mai dernier, tu vois, pour te dire, sur 15 jours, j'avais 5 spectacles dans la tête. C'est beaucoup. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y en avait 2 qui étaient des créations de territoire et que je devais faire avec des amateurs, certes, mais c'est quand même un gros projet qu'il faut arriver à concrétiser. Il y en avait 2 qui suivaient. Les week-ends, je jouais. Et tous les lundis, j'avais une reprise d'un autre spectacle que j'avais créé avec une autre compagnie il y a 20 ans. Donc ça faisait quand même 5... Une vieille pièce, hein, ouais, c'est intéressant. Oui, 5 trucs en même temps. Ok. Donc tu passes de l'un à l'autre et là, tu te demandes quand est-ce que tu vas avoir le temps de te reconcentrer. Ouais. Tu vois, ça, c'était chaud, hein, quand même. Ça, j'avoue que je veux pas le refaire, ça. C'est trop. Oui. Mais c'est normal aussi. Quand même, on est des humains, on n'est pas des... On peut pas se multiplier, malheureusement. Non. Mais c'est sans doute le même discours que tu veux prôner depuis le début. Le discours féministe, le discours des hommes face aux femmes. Et, Oui, c'est ça. Alors, là, maintenant, on est au cœur de ça. C'est assez drôle. Tu vois, il y a eu quand même, entre 2015 et maintenant, tu vois, il y a eu tous les mouvements MeToo, etc., qui ont quand même... changer la façon de se situer de pas mal de femmes dans la parole, on va dire, citoyenne, parole publique. Au niveau artistique, il n'y a pas tant d'émergence, si tu veux. Hein, l'artiste se méfie toujours du combat grand public, tu sais. Voilà. Une espèce de jeu avec une forme de méfiance. Et moi, j'ai continué de travailler, si tu veux, sur... mon questionnement, effectivement, de comment on peut représenter, enfin, comment on est juste pour parler de l'humain, voilà, sans qu'il soit hors catégorie, voilà. Jusqu'à, donc, Paillard, hein, toi, qui s'est créé en 2019. Ouais. C'est la même figure, si tu veux, qui sous-tend tout ça. La même capacité à parler. Tu vois, voilà. Alors après, peut-être que c'est un cycle en soi, c'est ce que je me dis là, en ce moment, je sais pas bien, encore. Un cycle de, tu vois, sur ces 4-5 ans, là, quand même, tu vois, qui ont été chargés. Et la création, par exemple, 2021, je ne sais pas si elle va encore être apparentée. Est-ce que je vais encore avoir des godes partout, tu vois? C'est ma question. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de ces godes et ces dieux? Okay. Régulièrement, il faut que je me pose cette question. Est-ce que c'est un artifice aussi, tu vois? Tu pourrais te dire, allez, t'as trouvé un truc. Ou également, ça suscite l'intérêt. Juste le fait de voir des objets ou des accessoires, ça fait réagir sur une photo quand on voit... Voilà, c'est ça. Tu vois, alors, bon, moi, je sais pourquoi profondément je l'ai fait. Et je sais pas, faut que je comprenne cet attachement, tu vois. Donc peut-être le prochain, ce sera une tentative de détachement. OK, face aux accessoires. C'est ça, exactement. Mais les accessoires, dans ton cas, sont acteurs. Oui, c'est ça, exactement. Ils représentent vraiment quelque chose à part entière. C'est un détournement de l'objet pornographique, hein, tu vois. Mais ça devient vraiment autre chose. Ouais. Et donc, du coup, ça... Ah, bonjour. Comment ça va bien? J'aime bien votre foufou. Oui, hein? Ah oui, c'est très attirant. Truc en plume? Oui, comme disait Zizi Jeanbert. En fourrure? Oui, ben en fourrure synthétique. Oui, mais bon, je reprenais les paroles de la chanson. Mais ce soit bon truc en plume, oui. Zizi Jeanbert. En plus, c'est... musical. C'est très pittoresque d'ici, quoi. Ah oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, ben oui, Zizi Jeanbert. C'est la grande Zizi. Ben c'est pas le grand Zizi, c'est la grande Zizi. Vous m'avez volé l'idée. Oui. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Moi, je vais prendre... À part une grande Zizi. Non, mais... Ça va, on a en stock. Un café, un grand verre d'eau, par contre. D'accord. Moi, je vais prendre un coca avec un grand verre d'eau. D'accord. Merci. En plus, on parlait de... C'est pas mal, hein? Du zizi ou oui, c'est ça, au vibrateur. Est-ce qu'on en a besoin, ouais, c'est ou ça. Pas. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... en tout cas, qui me permet de parler plus librement. C'est ça qui est tout à fait étonnant et un peu grotesque presque, tu vois, mais qui existe, qui est juste. Tu vois. Mais quand je voyais tes photos l'été dernier au festival, je me disais, est-ce que as-tu fait ça pour un public averti ou pour tout le monde, les enfants, les ados? Pour moi, sincèrement, je fais du grand public, tu vois. Parce que je pense que derrière cette parole, donc qui devient une parole qui déjoue la sexualité, tu comprends? C'est presque une parole enfantine, parfois. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, là, par exemple, spécialement dans Paillard, tu vois, où j'interroge la virilité vraiment comme sujet, hein, parce qu'il y a eu donc la résistance, l'utopie, là, c'est la virilité. Moi, je trouve ça très naïf, ce que je dis. Tu vois, j'ai lu les 3 tomes de l'histoire de la virilité. Tu vois, je ne suis pas sorti, peut-être... J'ai appris des choses, mais... Et puis, t'étais pas offusqué. Non. Et ce que j'écris, si tu veux, est très... accessible. Mais c'est ça, je crois, moi. Parce que c'est pas... tu vois, c'est pas une parole intellectuelle. C'est une parole qui repart d'un corps qui se bat ou qui se transforme, comme les enfants, plutôt. C'est-à-dire que notre identité se construit quand on est enfant, tu vois. Et ah on bah joue oui. avec ah bah les codes. Oui. Ben, oui. Moi, je crois que je fais un peu pareil. Tout se joue avant 2 ans, comme... Tu vois, voilà. Donc, si tu veux, le... Mais est-ce que tes pièces sont jouées dans les écoles? Ben, j'aimerais bien, mais ça c'est pas évident. Hein. OK. Donc. Mais c'est-tu un de tes projets ou. Ben, moi j'aimerais bien arriver à être. Parce que tu sais, la catégorie jeune public, c'est un peu. Donc je dis à tout le monde que moi je suis par excellence jeune public. Oui, oui, oui. Parce que c'est joyeux et que ça ouvre le champ du possible. Donc a priori, c'est ce dont a besoin un enfant. Mais les parents sont un peu terrorisés, si tu veux. Tu vois, dès qu'ils voient le God, pour eux, ils sont troublés et ne comprennent pas. Normalement, un enfant ne doit pas voir un God. Ce qui est... Mais on peut voir des gens se faire tuer à la télévision. Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, c'est bizarre un peu qu'eux ne puissent pas resituer, d'ailleurs, la représentation ou la fiction hein, de ce que je représente comme étant un jeu, déjà, Eden. Et qu'en fin de compte, très vite, on s'aperçoit que cet objet est détourné d'une pratique pornographique ou sexuelle. Ouais, mais crois-tu aussi, tu vois? Ce qui fait peur aux parents, c'est après le spectacle, le fait d'expliquer ce que c'était. C'est ça, voilà. Alors c'est vrai que, là par exemple, dans Payard, je distribue 70 godes au public. Puis tu les reprends après? Je les reprends après. Ok, ok. Parce oui, que quel budget, cher. Quel trop budget, cher, ben oui. Cher. Ah oui, déjà là, c'est bon. C'est un pari. Tu as acheté ça à Pigalle? Tu as acheté ça à Pigalle? Sur un gars qui travaille dans le 15e, ils ont fait un prix de gros, mais ça coûte cher quand même. C'est combien pour un? Je crois qu'ils étaient à 12 euros au prix de gros. Ça va, c'est du bon, c'est un basique, un god ceinture basique. Et que du coup j'ai fait retransformer. Que j'en ai fait un objet de carnaval. Donc ils sont tous costumisés, donc plus utilisables déjà. Bah, ou alors là, il faut des pratiques, toi bon, tout est possible, on est bien d'accord dans la vie, tout est possible. On recycle. Mais, bon, si tu veux. Je pense pas que ce soit l'objet le premier, en tout cas idéal pour une pratique sexuelle de pénétration. Quoi. Ouais. Bah, moi, personnellement, c'est pas. Et toi, tu oserais pas. Pas avec cela. C'est ça. Je ne. Toi, je m'y quoi, ça ferait des sensations que tu n'aurais jamais vécues. Peut-être. Mais on va laisser ça en suspens. Mais bon, bah, voilà, comme je sais. Bon. Après, c'est tout collé au silicone, si tu veux, parce que c'est du silicone, tu es obligé de travailler avec du silicone. Enfin bon, c'est très compliqué comme matière. Ouais. Et donc voilà, donc. Et ce qui est joyeux, c'est que tu peux le. Tu te l'appropries comme tu veux. Et là, on a eu une grosse jauge à Villeurbanne, là, quand j'ai joué, toi, au Festival des Invites récemment. C'était pour la fête de la musique. Hein. Donc c'était le 21 juin. Et là, c'était trop joyeux. C'est la première fois qu'on avait une grosse jauge. Okay. 350 personnes, tu vois. Et tu sais, on est en quadrille sur quatre points de vue. Le public est vraiment au milieu, debout, comme quand on veut danser, dans les concerts où tu veux danser. Et nous, on est sur les quatre praticables, si tu veux, quatre scènes. Et après, on vient aussi, il y a une grande scène, enfin bref, on bouge. Et on entraîne aussi les gens à danser et à chanter avec nous. Et donc, tu vois, là, on a donc distribué, il n'y a pas eu de soucis d'appropriation. Il y avait des gens très très distingués, tu vois, d'un milieu, par exemple, très bourgeois, ouais. Qui eux, alors, par exemple, un peu obéissant, le mettait au pubis. Il n'y a plus l'entrejambe pour que ce soit accessible avec les jupes et tout. Pour simplifier, tu vois, que les gens ne sont pas coincés. Ouais, ça, je veux dire, pas se coincer non plus. Ouais. Et après, il y en a qui peuvent le mettre sur la tête aussi. Donc, si tu veux, c'est très joyeux. Ça faisait ouais, plein ça de licornes. Ouais, exactement. Des licornes. Alors, il y en a qui jouaient dans les trois licornes. Enfin, toi, tu t'aperçois que tout à coup, ça devient. Un carnaval. Un carnaval, un petit carnaval à dimension de spectacle, si tu veux. Mais voilà, on est tout à coup dans une pratique carnavalesque. Et je trouve ça assez juste parce que tu sais, le carnaval est. On va avoir du bol. Est un peu en désuétude. Enfin, il est ou très traditionnel. Et très. Archaïque dans ses. Oui, un peu archaïque. Ou, par exemple, dans les arts de la rue, il n'y a pas eu de cette idée de faire se croiser le carnaval et le... Non. Voilà. Parce que c'est un peu subversif, quand même, le carnaval. Broken lines, broken strings, broken threads and broken springs. Broken idols, broken heads, people sleeping round in broken beds. Ain't no use jiving, ain't no use in joking. Look around you, everything is broken. Broken bottles and then broken plates, broken switches and them broken case, broken dishes and them broken parts, hearts. Broken words never meant to be spoken. Everything is broken. Songs. Take a deep breath. Do you feel like you're choking? That's 'cause the air's all fucked up and everything is broken. Time she made a call. couple of times he made a call. Now there's no more rock and roll. Et il y a eu cette réflexion qui m'a vraiment étonné. Mais que dans quel sens? Subversif, que la paillardise, si tu veux, par excellence, est tabou. Ok. Si tu veux, tu peux te retrouver entre mecs, enfin, l'image de base, c'est des mecs dans une taverne qui ont fini, je sais pas quoi, leur diplôme de je sais pas quoi, et tac, et là, ils se torchent toute la nuit. Okay. Je te parle de l'image classique d'Épinal, et là, tout le monde boit, ils se finissent tenus sur la table, à danser, la bite à Dudule, et voilà. Et, toi, et plus c'est... crash un petit peu, on va dire, et plus tout le monde serait joyeux. Ah ouais, okay. Ça, c'est l'image fausse, d'ailleurs, de la paillardise, mais qui sous-tend notre culture à nous, ici. La paillardise étant très, très française, tu vois. C'est vraiment... Quand tu parles avec d'autres pays, c'est plus complexe, hein, ouais. La notion de paillardise. Mais là, si tu veux, j'ai pas fait d'études pour te donner des éléments sur ça, tu vois. J'ai étudié la paillardise ici, quoi, en France, vraiment. Parce que c'est en fin de compte un patrimoine... de chansons qu'on peut se réapproprier, rechanter et transformer. Okay. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que c'est en évolution. Ça reprend effectivement les pratiques traditionnelles, tu sais, de contes traditionnels qu'on réécrit, le griot, c'est la parole qui continue de parler de son temps. Avec un côté donc, où on se permet toutes les licences possibles de comportement, et où du coup les frontières effectivement sexuelles ne sont plus là, puisque peut-être que les mecs finissent par tous s'enculer, cette soirée fameuse dont je parlais, enfin on ne sait pas. Mais ça reste, tu vois, on ne peut pas en parler publiquement. Non mais c'est ça, ça reste aussi un huis clos. Voilà. On n'en parlera plus jamais. Exact, voilà. Tu vois, et ça, on l'a fait, bon, on le sait, entre potes, tu vois, on peut se faire un petit clin d'œil de temps en temps, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas trop, hein, comme moi je n'ai pas pratiqué de paillardise. En tant que femme, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas de rituels qui sont... Et donc quand j'ai discuté avec un, tu sais, Jacques Lifshin, qui est un vieux de la vieille du théâtre de rue, si tu veux, et il me dit, c'est bizarre quand même, Marido, paillardise, personne n'a jamais abordé la paillardise dans les arts de la rue. Et puis, ah bon, même pas, tu vois, j'avais tilté, moi. Je dis, ah bon, bah, écoute, je lui dis, c'est comme ça, ne se dise. Voilà. Et toi, tout d'un coup, j'ai senti que t'es troublé. Troublé parce que il y a cette idée, tu sais, de on dit ce qu'il ne faut pas dire, on est des grands provocateurs, on sort des théâtres pour tout d'un coup agiter le populaire, tu vois, toute cette idée-là. Et alors, du coup, comment ça se fait que cette paillardise, donc, parce qu'au départ, c'était quand même essentiellement des hommes créateurs, hein, qui donc ont défendu ce mouvement comme des guerriers de l'art de demain, tu vois. Et bref, ils ne s'en sont pas occupés. Hein. Ils se sont promenés tout nus, ça beaucoup, il y a eu ça, vraiment, mais c'est tout. En quelle année est-ce qu'on peut... Ça a commencé dans les années 70, enfin, tu vois, début des années 70 à peu près, je pense, par là. Okay. Donc, du coup, ça me troublait. Du coup, je me dis, ok, alors mon côté à moi un peu fantasque, légèrement carnavalesque comme ça, et qui a cette liberté-là, ça, c'est une vraie chose qui m'appartient, parce que j'ai pu parcourir ça. Donc ça, si tu veux, c'est un vrai langage, tu vois. C'est effectivement, il y a quelque chose de la jouissance, peut-être, tu vois, qui m'appartient. Oui, quelque chose comme ça de joyeux, si tu veux, qui est propre, qui sous-tend mon langage politique, si tu veux. Et ton travail, mais je revenais un peu, lorsque tu distribuais les phallus aux gens, est-ce que le public le prenait avec un peu un refus, ou si on essayait d'y toucher, de vérifier Non, on arrive, c'est un rituel. Alors après, là, c'était la version où il y avait essentiellement une intro et le concert, tu vois. Alors que d'habitude, c'est un spectacle en trois temps. Et je parle d'abord de la vérité sécuritaire. Donc c'est deux vigiles devant une porte. On peut dire trois actes Si tu veux, trois actes, voilà, c'est ça. Deux vigiles devant une porte de théâtre, et il y en a un qui pète un câble, un peu, et il commence à dire, voilà, ok, on fouille les sacs, allez, on y va, va-toi. mais on va le faire autrement, parce que quand même, tu vois, on sait bien que tout ça est mensonge. Donc ils dénigrent le mensonge, ils dénigrent les représentations, effectivement, des costumes qui protègent les autres, soi-disant, peut-être de leur propre humanité. Enfin, c'est pas exactement le contrat qu'il y a avec Avigile aujourd'hui, c'est pas clair. D'habitude, ils parlent pas, et là, tout d'un coup, ça devient un scapin, tu vois, qui est très très drôle, tu vois, qui tisse le monde et qui finit par dire, bah alors ok, vas-y, ouvrons les braguettes, quoi, allons jusqu'au bout, regardons qui on est. Alors il fait un peu un dingo, là, un flic un peu décalé. Et donc les gens se retrouvent quand même pendant une petite demi-heure devant une porte et avec l'autre qui tchatche. Après on rentre dans le théâtre, donc dans une salle de spectacle, et là, bah, tout le monde attend le spectacle qui devrait là, peut-être révéler ce pourquoi on attend, nous, pourquoi on rentre dans, pour voir un spectacle. Donc, et là, à nouveau, bien sûr, rien ne se passe, la scène est désoccupée. Et là, il rentre, lui, sur scène, et il dit, bon, bah alors, ok, moi, je veux bien jouer le premier rôle. Et là, je repasse par les figures du théâtre à toute vitesse, c'est une espèce de... C'est comme un cocktail, théâtral très, très serré. Et à un moment donné, apparaît une bite énorme qui occupe la scène, comme un peu de mausolée d'un théâtre mort, mais qui essaye d'être viril, mais comme ça, dans l'immobilité... De sexe dressé, gadget de notre monde, comme si c'était encore la référence. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça ne fait pas avancer le bouchon. Et là, je reprends pied à l'intérieur de moi, c'est-à-dire moi, Marido, qui est derrière tout ça, dans une figure un peu de petite fille. Et je dis, ok, là, du coup, je reprends le cœur, hein, mon cœur, poum, poum, poum, poum. Et alors, on va reprendre la rue vraiment, nous tous ensemble. Et là, c'est là où il y a des godes qui apparaissent par grappes. Okay. Tu vois, c'est comme, c'est nous les 11 000 verges d'Apollinaire, tu vois. C'est nous les porteurs de bites et d'espoir. Et là, allez, prends ton god à la main, mon cousin, traîne tes couilles par terre, réveille le carnaval endormi, tu vois. Et tac, tac, tac, tac, tac. Et on va jusqu'à sortir dehors, et là, c'est le concert. Est-ce que là-dedans... Il va y avoir beaucoup d'improvisation, dépendant du public, dépendant de ce qui se passe, Ça se joue avec. OK. Après, l'improvisation, tu sais, c'est essentiellement sur les temps justes, je pense. Mais le discours est écrit, c'est ça? Oui, c'est écrit, c'est écrit. C'est écrit. Après, bon, bah, moi, je me permets, selon ce qui se passe, tu vois, il y a quelque chose qui s'orchestre complètement différemment avec chacun. Mais non, c'est écrit. Parfois, je fais des petites ellipses et hop, ça ressort. Toi, je tricote un peu. Voilà, je tricote. Mais je ne dis pas vraiment autre chose que ce qui est écrit. Mais je tricote. Depuis le début, je trouve ça intéressant parce que tu vas vraiment dans la lignée de Artaud. Le théâtre d'Artaud, placer le public avec toi. Oui, c'est ça. Le public, exact. Ouais. Donc, c'est un côté très intéressant puisque normalement, quand tu vas au théâtre, tu es très passif, tu vois la pièce de théâtre, t'applaudis et tu repars. Mais là, toi, c'est pas ça, là. Non, non. Le public est là comme acteur, spectateur, voilà. Acteur-spectateur. Ils deviennent vraiment acteurs avec moi, si tu veux, vraiment. Est-ce qu'il y a des soirs où ça fonctionne mieux et d'autres moins bien? Oui, voilà. Des fois, les gens sont... S'ils n'ont pas été préparés à voir... S'ils sont, tu vois, dans une consommation facile du spectacle, ça arrive dans certaines atmosphères de festival. Tu sens que les gens, ils sont là, ils voient un peu n'importe quoi, tu vois. Un peu comme Avignon. Tu t'enchaînes. Ouais. Tu vois un truc, un autre, t'as vu des spectacles. C'est comme si t'avais coché, comme les Japonais qui photographient tous les monuments. Voilà. Ouais. Ils rentrent à la maison, je sais pas trop ce qu'ils ont vécu. Ils ont bu de la bière aussi. Bon, c'était sympathique. Peut-être, j'espère que pour eux, c'était sympathique. Mais s'ils débarquent dans ma proposition comme ça, avec cet état d'esprit, là, ils se disent, attends, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ils ont un peu peur. Ils sont instables aussi. Ils ont un peu peur parce que... Tout d'un coup, les personnes même à qui ils sont venus les regardent autrement, puisqu'ils sont là, tu vois. Ils deviennent impliqués. Ouais. Ils deviennent impliqués. Et à partir du moment où tu es impliqué, avec qui tu es venu, c'est important. Oui. Tu n'es pas dans tout seul dans ta tête. Là, tu vois, tu acceptes ça. Tu vois, l'autre, la femme peut regarder l'homme en disant tu es venu pour voir ça, c'est ça, tu m'emmènes voir ça. Ou bien, je te l'avais dit, il ne fallait pas venir avec les enfants. Tout d'un coup, ça, tu sens que social. Mais c'est intéressant comme ça, parce que le discours commence, là. Et oui. Et donc, il y a des gens qui ont un peu peur, voilà, ils ont un peu peur. Après, forcément, ça provoque aussi des adhésions très fortes, hein, évidemment. Donc, on ne peut pas rester dans sa position de public qui dit qu'il est là par hasard. Ah, par hasard, oui. Il n'y a pas de hasard. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Est-ce que tu, en juin, quelquefois, tu as vu un public violent face à ton discours? Non, ah, violent, tu... au sens violent. Alors ouais. Si, j'ai vu récemment, dans un bar, il y a une jeune journaliste là sur Paris qui s'appelle Anaïs Elwin, qui est assez rigolote, tu vois. Elle s'intéresse beaucoup à la culture d'Afrique du Nord, si tu veux, okay. À peu près. Hein. Elle est plus reliée à des artistes et à des musiciens, mais bon, on s'est rencontrés, va savoir pourquoi. Thank you. coup, elle a fait une première édition d'un festival dans les bars. Et moi, c'est une fascination totale des bars. C'est vraiment ma maison de cœur, tu vois. Et donc, elle me dit, voilà, première édition, Marido, tu veux bien jouer? Je dis, ok, vas-y, je soutiens ton truc, puis c'est sympa. Donc voilà, dans le 12e arrondissement. Et du coup, elle me met dans un bar, que moi, je fais le repérage avant, qui n'avait jamais rien vu, aucun spectacle. Je crois qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'un artiste vivant qui parle dans un lieu comme un bar. Sincèrement, je pense qu'ils n'avaient jamais vécu ça. Et donc, c'était une petite famille avec des Berbères, toi, des Kabyles, tout un petit réseau, là, fort sympathique, hein, au demeurant, mais qui avait tout chouné un max. Donc, ils en avaient pris déjà du lourd dans la cafetière. Ouais. Moi, je débarque avec tentative de résistance. Voilà, je ne sais plus ce que j'ai joué. Tentative de résistance. Donc, avec le Gaulle, la figure de De Gaulle, j'avance. La vache, je dis que je veux allaiter. Voilà. Je montre un sein. Et là, panique à bâbord, ça c'était pas possible, l'histoire du sein, je sais pas pourquoi le sein, pourtant c'est Marianne, hein. Moi je me réfère aux références françaises par excellence, ouais. Mais bon là non, la Marianne comme ça, ça n'allait ça pas. Et comme ils avaient un peu bu, si tu veux, je pense qu'ils avaient confusion aussi dans leur cerveau, et là, y en a un qui sûrement, je sais pas, pince les fesses de son copain par derrière, ou je sais pas quoi, et là début de bagarre. Donc pas à mon endroit à moi, mais entre eux. Et là, début de bagarre. Moi j'ai jamais vu ça, tu vois. Pourtant, c'est pas faux d'aller dans les bars, mais je parle vraiment des spectacles. Je dis, mais c'est pas possible. Et donc, au début, tu dis, bon, c'est juste un petit truc chaud comme ça. Et ça va s'arrêter, quoi. Pas du tout, ça s'arrête pas. Donc le patron sort de son bar, essaye de les calmer, aller dehors, gna. Les copines des mecs ou les je sais pas quoi, les voisines, tout le monde s'en mêle. J'arrête de jouer, quoi. J'arrête de jouer, je dis là, bizarre quand même, tu vois, le contrepoint était quand même. Et donc, comme ça reste un certain temps, tu vois, un certain temps. Et puis je reprends, les deux gars en question reviennent, apparemment ils avaient réussi à les calmer. Et là tu reprends, tu te dis, mais qu'est-ce que je joue, je sais pas pourquoi exactement. Évidemment j'avais agité quelque chose, pas que moi, l'alcool aussi avait agité beaucoup. Ouais. Mais toi, mon but n'était pas du tout ça, évidemment. C'était pas de choquer. Pour moi. Alors après, tout est redescendu assez rapidement. C'est ça aussi qui est un peu parfois surprenant. Et on a beaucoup parlé après de la représentation. Parce que qui dit bar, l'avantage, c'est que les gens ne vont pas, ne sortent pas d'une salle noire et on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Non. Et du coup, tout le monde était très content en fin de compte au final. Tout le monde m'a pris dans les bras, mais non. Donc je me dis, ce choc-là. Et les deux hommes qui se sont. Oui, c'est ça, ils étaient très contents. Les autres, mais il faut leur pardonner. Non, mais peut-être qu'ils étaient trop grisés aussi. C'est pas grave. Ouais. Donc je me dis, ok, tu vois, ça c'est le. Parce que. Étais-tu fier de cette réaction-là, qui était pour toi un spectacle, de voir ces deux hommes-là? C'est ça. Tu assistais à deux comédiens acteurs qui. C'est ça. À deux comédiens spectateurs qui s'affrontent. C'est ça. Et toi, tu savais pas comment tout ça allait terminer, tandis que ta pièce de théâtre, toi, tu la connais. Oui. Est-ce que les flics vont apparaître? Est-ce que ça va devenir le bordel? C'est ça, tu vois, alors que... Et puis, je ne pouvais pas... Enfin, moi, je ne me sentais pas d'intervenir directement parce que ce n'était pas mon histoire, tu vois. Tu comprends? C'était entre eux, oui. Oui, c'est ça, il y avait une autre histoire qui se créait. Ok, là, tu vois, c'est le contrepoint un peu comme ça, énorme. Alors après, ce qui est très drôle, c'est qu'il y avait aussi une femme très institutionnelle qui venait qui, elle, tu vois, finance... quand les spectacles partent en tournée, elle donne des sous, tu vois. Elle m'avait raté dans un festival, elle venait la voir le spectacle. Ah, mais c'est pas... Je dis, mais ça va Ouais, tu lui as dit, c'est pas comme ça, normalement, là. C'est ça. OK, c'est ça. tu peux prendre des contrats, là, on fera pas la merde partout, là. Tiens, je lui dis, mais... Non, mais t'inquiète pas, donc du coup, si tu veux... c'est bon. Tu vois, et elle aussi, tu vois, donc... Je pense que tout le monde l'a vécu juste, tu vois, dire que... Là, c'est là où la température de la scène est très importante, dire que si toi, tu es quand même... Tu arrives à raconter un temps juste. Même les plus grosses choses se réorganisent dans un temps juste. Moi, je fais confiance à ça. Et la seule chose à laquelle je peux faire confiance, hein, j'ai pas de barrière, je ne suis pas protégé de rien. Mais non, non. Les gens, ils peuvent être à côté de moi, je les prends dans les bras. Je ne crée aucune distance. Donc, soit je fais confiance à ce temps juste de notre humanité que j'essaie d'accorder, soit, bien sûr, tout peut exploser. Ça peut devenir l'anarchie. Ça, c'est sûr. Hein. Mais c'est ce temps juste où l'autre dit, ok, tu vois, je suis... c'est ça le rendez-vous. C'est le bon rendez-vous. Je suis convoqué sur... Mais il faut le savoir, comme tu dis. Ouais. quand tu le sais pas, tu peux avoir une réaction haute comme ces deux hommes-là. Oui, c'est ça. Ben bon, ça c'est toi. Mais lorsque tu écris, il faut vraiment que tu fasses attention aux mots que tu vas utiliser. Non? Non? Oh non, non. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, mais tu sais, on me dit des trucs un peu bizarres, que j'étais un peu comme Harakiri, quoi. Je dis, ah bon, Harakiri, mais... Voilà, bon. Mais écoute, c'est cette façon que t'as de... C'est un programmateur, hein? Ah oui. C'est parfois, ils ont la tête qui bouge avec ces trucs. Ils réfléchissent. Trop. Ils veulent, tu sais, me trouver... Un carcan. Oui, c'est ça, tu vois, que je sois, voilà, comme ça. Ils ont pensé quelque chose. Ah ben oui, parce que ça rentre dans un moule, hein, puis quand on va te proposer, on va te proposer à ce moment-là. Voilà, c'est ça, voilà. Et donc, oui, tu sais, c'est carrément du harakiri, cette façon que tu as d'être très cru, comme ça, dans la langue, en même temps que d'être dans le politique. Dis-moi si tu veux, hein, même... Bon, qu'est-ce que je dis? Moi, Et dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est de l'art brut. C'est pas la même catégorie quand même, non, tout ça. Non, non. OK. Après... Mais ça y pose un peu ça, effectivement. Quelqu'un d'autre me dit... Non, tu sais, moi j'écoute, hein, je demande. Ah, ouais. Et quelqu'un m'a dit que c'était... Non, non, c'était très très difficile d'accès. C'était un peu comme l'art contemporain. Hey. OK. Tu sais, par exemple, quand une femme qui... Elle me dit, tu sais, moi j'ai étudié, j'étais élevé à TF1. Tu vois, elle venait d'un milieu un peu simple. Elle me dit, tu sais, sincèrement, Marito, j'ai adoré, mais c'est pas accessible. Je dis, mais pas accessible. Ils me disent, non, mais tu te rends pas compte. Pour quelqu'un qui a été que avec TF1, que c'est... elle me dit, c'est comme de l'art contemporain. Je dis, oui, bien sûr, tu vois, mais... de l'art, toi, abstrait, où tu vois un truc, tu ne sais pas ce que c'est. Je dis, mais quand même, il y a de la chair, il y a quand même des choses simples qui sont dites parfois. Mais non, le chamboulement des références, tout ça. Mais c'est certain, elle sort de l'univers qui est télévisuel, donc c'est très stéréotypé. C'est ça, donc elle a rien expliqué, elle m'a parlé beaucoup longtemps, c'était assez intéressant, mais tu vois, cette histoire d'art contemporain quand même. Aïe aïe. Ça, on m'avait jamais sorti ça encore. Bon, je dis ok, vas-y, art contemporain, qu'est-ce que c'est art contemporain en plus, hein? Ouais, ouais, ouais. Bah, quelque chose d'incompréhensible, voilà. Ouais. Tu rentres dans une galerie, je sais pas, t'es un artiste, tu ressors de là, tu te dis... moi, je m'étais jamais imaginé que c'était à ce point-là incompréhensible. Mais c'est certain que ça peut pas toucher tout le monde. Après, il y a des consensus énormes en même temps, hein. Tu vois, il y a des fois, tu sens que tout le public est là. Mais parce qu'à ce moment-là, ils sont forts quand ils sont nombreux aussi, tu sais. Ben oui. Et l'énergie est plus... Voilà, et ça se rassure, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Phénomène un peu des sucres, tout. Ils se fédèrent ensemble. Un peu comme des aimants. Oui. Ils se retrouvent ensemble. Ça, c'est toujours un peu effectivement magique. Puis ça te donne de l'énergie, toi, là, pour continuer être plus dans ton rôle et dans... Après, comme il y a eu des très grosses jauges sur certains festivals, les grands festivals, tu vois, j'ai aussi maintenu mon enjeu d'être en voix parlée, non amplifiée, tu vois. Tout le monde disait, oh, je crains la jauge dans mon festival, ta-ta-ta-ta-ta. J'ai maintenu et j'ai raconté un truc comme quoi c'était de la jauge naturelle. Moi, je travaille sur la jauge naturelle, je leur ai dit. Non, mais c'est bon. 400 personnes bien. Dans un endroit qui est quand même prévu pour parler, évidemment. Hein. Je n'ai que ma voix. Donc, 400 personnes dans un endroit qui, phoniquement, est quand même accessible. Et après, bah, tant pis, ils s'en vont. Après, ça a monté jusqu'à 600 et ils ne sont pas tellement partis non plus. Mais peut-être qu'ils arrivaient quand même à entendre. Mais tu vois, je suis toute petite à ce moment-là. Toi, ils sont loin. Enfin, je me dis, c'est pas possible qu'ils restent pour. Il n'y a rien, quoi. Non. Tu vois, il n'y a pas de visuel. Il n'y a pas d'écran pour te voir plus. Je fais apparaître, je sais pas quoi, je fais un effet, tu vois, un trapèze et tout ce que tu veux. Rien. Donc, c'est cette jauge de cette mise en jeu, si tu veux, de cette bonne femme, si tu veux, qui intrigue quand même. Jusqu'où elle peut aller avec simplement, disons, son corps, sa parole. En même temps, si tu fais place au micro, ben là, c'est une supercherie. Et toi, tu veux vraiment que tout ça fasse corps avec l'univers, voilà. avec l'ensemble, avec le plateau. Et puis, je suis à égalité avec eux aussi. C'est ça. Ah, c'est ça, toi, tu représentes pas, dans ce cas-là, la comédienne. Parce que la comédienne, avec le micro amplifié plus élevé que les autres, tu es avec eux dans la scène. C'est ça, exactement. Dans l'univers. On se retrouve ensemble, vraiment. Donc, il faut qu'eux aussi sachent que... D'abord, ça dépend. Par exemple, dans cette étude de digital, ils parlent plus volontiers. C'est en trifrontal, tu vois. Et donc, ils parlent. Il y a des moments quasiment dialogués. together for Miss Betty Levette. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.